Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Tu connais ce Dieu, tu sais ce qu'il est, tu sais qui est. D'un cœur que tu as sauvé, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Frère Yannick, bonjour, bienvenue dans la France, dans la sainteté. Bonjour, bonjour. La sœur Paul Gertrude et compagnie, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. La sœur Kelly, bonjour et bienvenue. Le frère Mamadou, bonjour et bienvenue. Bonjour frère Junior, bonjour à tous. Voilà, quand le son est bien comme ça, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. La sœur Laetitia du côté de Angola, bonjour et bienvenue. Vous parlez de votre pied. La sœur Latour Chantal. Une chanteuse peut en cacher une autre, un clin d'œil comme ça à la première dame camerounaise. Bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour. Tout juste, sa voisine la plus proche, Hélène. Bonjour, la soeur Hélène. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Un autre couple qui est issu. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue vraiment. Un autre couple qui est issu du pays appelé Rio dos Camaros. Le couple Achille, bonjour et bienvenue ce matin dans France dans la sainteté. Bonjour, Frère Junior. Bonjour, Frère Junior. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom, shalom, shalom. La série sur le Rose Camaroès continue avec le Cire 237, le couple Gabo du côté de Véry Châtillon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Un stop du côté de la sœur Yolande également. Bonjour et bienvenue. Son micro est fermé certainement. La sœur Yolande Bibiche, bonjour et bienvenue ce dimanche dans la France, dans la sainteté. Le frère Guy Richard n'est pas en reste au plus 225. Bonjour et bienvenue. Faut être prêt comme un soldat. Bonjour. Que la grâce et la paix et l'amour de notre Seigneur te soient multipliés encore ce matin. Amen, amen. Le célèbre Louis Landreau de l'autre côté, à tout souriant qui nous a donné l'exhortation la fois dernière. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous, shalom, shalom à tous, bonjour. Tu es à ton poste avec, tu es à ton poste ce matin comme le prophète Habakkuk. Shalom, shalom, shalom, shalom. C'est le petit salon depuis qu'il dit shalom là, c'est comme ça que ça vient d'arriver là. Bonjour. Ouais, du côté de Angola, n'est-ce pas? Bonjour tout le monde. Excusez-moi, j'avais des soucis avec tout configurer. Bon, je recommence alors. Shalom, la sœur Laetitia de Angola, bonjour. Bonjour, bonjour. Shalom. Un clin d'œil aux enfants qui se trouvent derrière toi, Maëlys et Rebecca et tous les autres là. Que Dieu te bénisse. Oui, oui. La sœur Sandra Kazemi, bonjour et bienvenue. Elle n'entend rien. Bon, elle entend. La célèbre fille de Fong Nyasimbe, du pays de Nyasimbe. Bonjour, la sœur Ophélie, bonjour, bonjour et bienvenue. Ça crie chez la sœur, elle est là. Donc. Bonjour, Père Junior. Oui, quelqu'un doit couper son micro entre la sœur Hélène et la sœur Natou. Quelqu'un coupe son micro. Il y a un retour chez quelqu'un là. Donc, les deux personnes se trouvent, okay. Ces deux personnes se trouvent dans le même lieu. C'est pour ça que ça crie comme ça. La sœur Nafi, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour mon frère. Du côté, bonjour, de, l'île, du côté de l'île de Chypre, où le frère Paul, mon grand frère, s'est séjourné à un moment donné. Bonjour et bienvenue la sœur Linda. Son micro est coupé. Parce qu'en toi avec les lignes de Chypre, pour aller à l'ancienne ligne là, c'est pas facile. Donc, même le micro, c'est pas facile là-bas à ouvrir. Bonjour, la sœur Linda. Donc, le temps qu'elle trouve, ici également des pays des crevettes. Vous savez, vous connaissez les pays des crevettes, n'est-ce pas? Le frère William Corrad, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour frère. Oui, la sœur Linda est ici du pays des crevettes. Tu connais le pays qu'on appelle les crevettes, frère? Le pays des crevettes. Non, pas vraiment. Bon, pas vraiment. Je crois que même le frère. La sœur Nafi, bonjour et bienvenue. Bonjour, shalom tout le monde. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bon, tes frères et sœurs ne veulent pas répondre. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Je crois que je n'ai pas oublié quelqu'un. C'est la sœur Ketia. La sœur Ketia Makumika, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, frère Junior. Ça va très bien. Et de ton côté? La sœur Esther Diane, ici également du pays appelé les crevettes. Bonjour et bienvenue. Apparemment, tous ceux qui appellent. Bonjour. Ben voilà, tous ceux qui ont appelé le pays les crevettes. Ouais. Tous ceux qui habitent le pays les crevettes, il faut nager pour y aller. C'est pour ça que c'est pas facile. Vous savez, pour pagailler sur les eaux, là, c'est pas évident. La sœur Kelly, toujours du côté de la Belgique? Non, en France. En France maintenant. Je suis revenue en France. Revenue après cette sérieuse visite à notre bien-aimée sœur qui vient d'accoucher. Je crois que les accouchements, bonjour. C'est... Ouais. Le frère Pierre Moua, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour frère Junior. Oui, bonjour Ouais, je t'accueille à chaud là. Est-ce que tu connais un pays qui est issu de la crevette? Le pays appelé la crevette. Les crevettes. Silence radio du côté. Oui, tu connais le pays. Oui, tu connais le pays. Tu connais le pays qu'on appelle les crevettes là? Donc le frère là, il est issu du pays les crevettes. Donc souvenez-vous de lui, Pierre Moha, c'est son pays, c'est les crevettes. On appelle son pays les crevettes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Toi également, mon frère. Alors permettez-moi spécialement ce matin de saluer la sœur Julie. Je vais lui jouer une musique particulière. Après, il pourra vous dire le pourquoi cette musique est jouée pour elle. À tout à l'heure. Pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur. Et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. toutes choses. Maître suprême. Alléluia. Oh, gardé. Alléluia, merci. Merci, Jésus. Être disponible pour nous, nous aimons, Seigneur. Oh, ta splendeur et ta beauté. Voilà, voilà, voilà. Rebonjour la France dans la sainteté. Bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a c'est un frère en Christ qui veut vous dire bonjour ici au Cameroun. Allez-y, parlez donc. Bonjour de la France sainteté. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez donc dire? Oui. Je peux prêcher maintenant? Je peux alors prêcher? Merci beaucoup. Oui. Dis-le bonjour, alors dis bonne journée. Merci. Tu n'entends pas les voix. Mais dis-le, parle aussi fort alors. La France, c'était bonjour. Bonjour, José, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Coco. Vas-y alors, que Dieu te bénisse. Bonjour. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On peut commencer ce matin, si, bien-aimé. Amen. Affirmatif. Matthieu, chapitre 10. J'aime ça, affirmatif. Matthieu, chapitre 10. Il sait pas beaucoup de la Bible ici. Matthieu chapitre 10. Notez Matthieu chapitre 10. Notez d'abord, et puis on va lire. Beaucoup de micros sont ouverts. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui respire dans le micro. Ça, c'est le frère Mamadou qui respire beaucoup dans son micro. Parce que son micro est proche de lui. Matthieu, chapitre 10, vous avez noté? La sœur Yolande Bibiche, bonjour et bienvenue. La sœur Chantal, Nathieu Chantal, si tu m'entends, il faut fermer ton micro. Il est fermé, mon micro. Oui, donc là, tu parles, je t'entends, ton micro est vraiment fermé. Tu parles bien. Ok, voilà. Ça va? Oui, ça va. Ton micro est vraiment fermé. Tu parles, on t'entend toujours, donc ton micro est fermé. Cela signifie que ton micro est fermé, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Courage. Bon. Jusque là on t'entend. Notez également Jean au chapitre 12. C'est parfait. Je crois que le frère Christian va contrôler ceci en off là dans le forum en écrivant pour vérifier cela. Et on a beaucoup de choses à voir dans cette parole aussi, beaucoup de choses. La sœur Esther, si tu m'écoutes, on ne voit pas ton image. Courage à toi. Courage. Tu dois savoir de quoi ils sont en train de parler. Courage. Quand la parole sort, elle doit s'accomplir. Courage. Et bienvenue donc dans ce monde-là. Tu m'entends? Je t'entends. Tu sais de quoi ils sont en train de parler, n'est-ce pas? D'accord, j'ai compris. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Le frère Guy Richard, je crois qu'il y a beaucoup de micros qui sont ouverts là. Je crois que mieux de continuer. La sœur Diane, ferme ton micro. Notez Jean au chapitre 12. Jean, le chapitre 12. Si vous m'entendez. Affirmatif. Voilà. Jean chapitre 12. Notez également Jean chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Je crois qu'il faut qu'on travaille doucement dans la Bible aujourd'hui. Je ne sais pas où ça se trouve ce bruit là maintenant. Ne me dites pas que c'est la sœur Ngabo qui a déjà accouché, que l'enfant fait du bruit comme ça. C'est pas elle du tout. Alors, donc, c'est ma soeur Julie, bonjour et que le Seigneur te bénisse. C'est à toi de dire à tes soeurs pourquoi la musique est jouée. Bonjour, bonjour à tous. La musique a été jouée parce que j'ai un an de plus aujourd'hui. Bon, apparemment, le frère, oui, le frère, oui, bien, apparemment, les frères ne sont pas contents. Bon anniversaire, ma soeur. Bon anniversaire, soeur. C'est comme ça. Je te bénisse, ma soeur Julie. Je te bénisse abondamment. Bon anniversaire, ma soeur. Bon anniversaire, ma soeur. Merci, ma soeur Julie. La soeur Bibiche, si tu m'entends, ouvre ta caméra. La soeur Bibiche, si tu m'entends, ouvre ta caméra rapidement. La soeur Bibiche, si tu m'entends, ouvre ta caméra. Et elle est où là? Je ne la vois pas encore sur mon écran ici. Voilà. Je peux prier pour toi là. On peut commencer quelque chose là maintenant. Tu es seule à la maison? Oui. Tes portes sont bien fermées? Oui, ma porte est fermée. Regarde-moi toujours sur cet écran en entendant cette voix-ci, d'accord? Et je ne te vois pas, moi. Tu ne me vois pas. Ah, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes sur ton écran. Regarde celui qui bouge la main, celui qui a envie de bouger la main là. Celui qui a envie de bouger. Tu vois la main qui bouge là? Tu vas pas dire? Non, non. Il a envie de danser, tu vois, il danse. Celui qui danse là. Là, c'est pour le jeu, tu ne bouge pas, dis donc. C'est comme si tu dansais, laisse-moi bouger seul. Tu me vois là, jusque là? Tu vois combien d'images sur ton écran? Tu vois plusieurs images. Je vois des visages. Bon, tu ne vois pas d'image sur ton écran. Tu ne me vois pas. Tu ne vois aucun frère, aucune soeur. Alors, je vois des frères, des soeurs, mais toi, je ne te vois pas venir. Ah ben, dans ce cas, fais circuler le... Parce qu'on est nombreux, c'est pour cela. Donc, ça veut dire qu'il y a un cuisseur. Fais circuler le cuisseur, parce que tu vois un coup, garçon qui danse là. Tu vas me voir. Tu me vois là. Fais circuler ton cuisseur, tu vas me voir danser. Voilà, tu me vois, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Regarde-moi bien. Tu vois ce que je fais, n'est-ce pas? Voilà. Exact. Mais regarde-moi bien. Continue à me regarder, d'accord? Voilà, je vais prier. Comment était ta nuit aujourd'hui? Oh, c'est qui dérange là maintenant? On peut prier ou bien on continue l'enseignement? On prie, ça va aller, d'accord? On va prier. D'accord, ma soeur? Oh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là. Natou, ferme ton micro. Deux personnes se trouvent dans une même salle et ils ont ouvert leur micro. Les deux ont ouvert leur micro. C'est pour ça que c'est désagréable. La soeur Natou et la soeur Hélène, une personne ferme son micro. Une personne, fermez vos micros, s'il vous plaît. Là, il faut comme... Cette soeur, elle est où, là? Je ne vois plus son écran, là, maintenant. Permettez-moi de la retrouver rapidement. Oui, je la vois maintenant. Donc, la soeur Natou, si tu m'entends, fermez vos micros. Il faut qu'il prie d'abord pour la soeur-ci, jusqu'à ce que... Alors, c'est la soeur bébé, je permets-moi de prier pour toi, ce matin. Que Dieu te bénisse. Il faut que cette voix-là parvienne jusqu'à ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu entends cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande, toi, présence d'obscurité qui se trouve dans cette salle maintenant. Je te commande de la quitter maintenant au nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix. Je t'ordonne de la quitter. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Quitte-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la. Tu ne peux plus rester. Quitte-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu entends cette voix. Je m'adresse à toi. Tu quittes cette. Tu la quittes maintenant. Ta présence n'est pas la bienvenue dans son corps. Encore moins dans son entourage. Je te commande de la quitter maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune portion de son corps ne t'appartient. Encore moins son cerveau. Tu veux détruire son cerveau. Je t'ordonne de quitter son cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Tu m'entends? Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors! Merci Père, merci Père. Sors! Sors d'elle! Tu quittes son cerveau, tu quittes son cerveau, tu quittes son cerveau. Tu quittes son cerveau, tu quittes son cerveau. Tu quittes son cerveau, tu quittes son cerveau et tu quittes cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu cesses ta pression dans sa vie maintenant. Allez, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu. Quitte-la maintenant. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte-la maintenant, quitte-la. Tu ne l'oppresseras plus. Elle ne vous appartient pas. Toi, puissance de l'obscurité, puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte cette présence maintenant. Quitte cette fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ketia, si toi tu m'entends maintenant, ta main, je ne vois, te vois pas sur la vidéo, Ketia, mets ta main sur ton ventre, toi qui m'entends, si tu entends cette voix, mets ta main sur ton ventre. La bibiche, reste calme, que cette chose-là, cette chose qui a quitté sur sa tête-là, ça puisse quitter totalement. Reste juste calme, la sœur bibiche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous entendez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. quitte le cerveau de cette femme. Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Quitte son cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'à ce rythme, si là, on n'a pas enseigné aujourd'hui, là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-ci aujourd'hui? Il y a qui ici? Merci, Père. Il y a encore qui ici? Qui est là? Qui est là? Waouh, c'est fort aujourd'hui, là. Et Hélène m'entend? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma chère Bibiche, la soeur Yolande, garde seulement ton calme. Reste tranquille, quelque chose qui s'est passé. Ne crains point, d'accord? Enfin, tu dois avoir l'espérance de ces choses-ci. Ne tremble point, d'accord? Ne crains point, d'accord? D'accord, ma chère soeur? Laisse juste cette voie-ci parcourir ta maison, jusqu'à ce qu'elle soit remplie dans cette maison-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres, qui dérangeait cette femme, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter sa présence. Quitte sa présence. Continue à regarder. Continue à regarder là. Continue à regarder. Quitte sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte sa présence. Quitte sa présence. Quitte sa présence. Quitte sa présence. Tu me vois. Quitte sa présence. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Quitte sa présence. Quitte sa présence. Quitte sa présence. Quitte sa présence. Quitte sa présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Tu ne dois plus l'oppresser. Tu ne dois plus l'oppresser. Elle ne vous appartient pas. Elle ne vous servira point. Elle ne vous appartient point. Elle ne vous servira point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu quittes ses pensées maintenant. Tu lâches son cerveau. Tu ne dois plus la manipuler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Kétia, si tu entends ma voix, avec ta main sur ton ventre, quelque chose qui se passe, n'aie pas peur. D'accord? N'aie pas peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez cette voix. Vous, puissance des ténèbres, quel qu'en soit le nom, quel qu'en soit votre origine, je commande, vous devez laisser les enfants du Seigneur. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de les quitter maintenant. Quitte les pensées de Yolande. Quitte ses pensées. Quitte ses pensées. Lâche son cerveau. Lâche son cerveau. Lâche son cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yolande, regarde-moi. Tu as vu comment je fais là? Voilà, fais de même. Fais de même exactement au niveau de tes oreilles. Oh mon Dieu. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Non, non, fais de même. Oui. Exactement ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres qui manipulait son cerveau. Je t'ordonne de la lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens la main jusqu'à ce que cette présence des ténèbres là quitte cette partie-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus place dans son cerveau. Vous ne manipulerez plus son cerveau, encore moins l'utiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne vous servira point. Elle appartient au Seigneur Jésus, celle-là. Je te commande de quitter son cerveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enlève la main, mesdames, ma soeur. Enlève la main. Qu'est-ce qui se passe avec ton cerveau, au juste? Tu m'entends? Il y a une pesanteur, en fait, au niveau de l'avant et à l'arrière. Oui. Ça fait comme s'il y avait un poids là-bas. Une lourdeur. Oui. Une lourdeur, oui. Oui, mais il faut que cette présence, il faut que ça te quitte, il faut que ça quitte ton cerveau. Quand ça va quitter ton cerveau, tu sauras que quelque chose a quitté, d'accord? Permets-moi tout simplement de prier. Permets à cette voix-là d'aller là-bas jusqu'à toi, d'accord? Juste la main là-bas, juste la main, ne t'inquiète pas. Je suis ton frère, d'accord? Tu sais que je suis ton frère, n'est-ce pas? Eh bien, si je suis ton frère, souris d'abord avant qu'il ne commence. Ben voilà, tu souris. Je n'ai rien contre toi, c'est pas contre toi, d'accord? Il faut que cette chose quitte. D'accord, ma soeur? Ok, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix. Tu entends cette voix. Je te commande de lâcher son cerveau. De lâcher son cerveau. Quel est son cerveau? Quel est son cerveau? Toi, puissance des ténèbres. Tu appartiens aux ténèbres. Ça, la manipulation que tu fais de son cerveau, ça s'arrête aujourd'hui. Sors! Pendant qu'on y est, si tu permets, je te pose une question ou bien je te pose en privé. C'est à toi de voir maintenant. Je te pose une question. Tu m'entends, ma soeur? Oui. Là, quand il touche ta tête, il sent plus cette présence-là, à cet endroit-là. Et toi? Tu vois comment il touche ta tête, non? La soeur Yolande Bibiche, tu m'entends? J'entends, mais j'ai des odeurs, mais c'est avant qui dégage. Il te dit quelque chose qui va se passer dans la maison, ne crains point, d'accord? Normalement, tu dois savoir que quelque chose a été touché. Tu dois savoir que quelque chose a été touché ton corps, n'est-ce pas? Au niveau de mes pieds. Oui. Ça doit monter normalement. Parle-nous, la soeur Bibi Yolande. Parle-nous. Parle-moi. Nous sommes au bord du puits, là, maintenant. Alors, la soeur Yolande. Alors, la soeur Yolande, cette voix se trouve dans ta maison. Ne crains point. Tu m'entends, n'est-ce pas? La soeur Ketia, ne vous inquiétez pas, elle va se reconnecter. Ne vous inquiétez pas pour ce qui s'est passé là-bas. D'accord, mes frères? Ah, mon Dieu. Où est la soeur Ketia? La soeur Ketia est où? Elle m'entend? Je suis là. Ça va toi? Non. Oui. On ne te voit pas, on voit seulement un bébé sur la photo. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Alors que tu mets la main. Je suis là. Parle-moi. Tu entends cette voix, n'est-ce pas? Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste la main là-bas. Juste la main, d'accord? Juste la main. Juste la main. La soeur Bibi, je reviens à toi, d'accord? Alors, la soeur qui est avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus, quitte ton ventre maintenant. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte ton ventre. Quitte son ventre, tu ne dois plus demeurer là. Quitte son ventre, quitte son ventre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sors! Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crains point, ne crains point. Il faut que cette présence légalement quitte ce lieu-là. Sors! de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Son corps ne vous appartient pas. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth, toi puissant des ténèbres, de quitter sa vie. Quitte sa vie, quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie maintenant. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La soeur Yolande, si tu m'entends, il faut aller aux toilettes avant de revenir. Il faut que ces choses se quittent. Au nom de Jésus de Nazareth. Va aux toilettes, puis tu reviens. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Chez l'Andro, là. Chez l'Andro. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous tous qui êtes sous l'influence de cette voix maintenant, quel que soit ce que vous expérimentez, j'ordonne au nom de Jésus de Nazareth que ça s'arrête maintenant. La sœur Kessia, parle-moi, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Au nom de Jésus de Nazareth, parle-moi. Je sais pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ne crains point, d'accord? Ne crains point. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, il y a cette voix-là à appeler Hélène tout à l'heure. Où est Hélène? Hélène se trouve où ici? Hélène, tu m'entends? Au nom de Jésus de Nazareth. Elle est où, Hélène? Au nom de Jésus de Nazareth. Le frère Landro, regarde cet écran, regarde cet écran. Le frère Landro, il est où, le frère Landro? Au nom de Jésus de Nazareth. Ah, quelle matinée. Quelle matinée, quelle matinée. Oh. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Quelle que soit la présence des ténèbres qui régnaient dans ton corps. C'est le moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'écouter. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Du côté de Chypre, Linda de Chypre, ta main sur ta poitrine. Je crois que quelque chose se trouve chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth, si tu m'entends, si tu entends cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, la sœur qui tient, mets la main là-bas. Qu'est-ce qui tremble là-dedans? Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors de son ventre. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sodel. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ton vent. Sors. Allez. Sors. Vomis-moi tous là. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors, vomis tout. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Vomis tout cela, vomis ça. Mais, sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Chez les Landro également. Chez les Landro, mettez la main sur le ventre. Chez les Landro. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Dieu. Là, c'est que ça, c'est pas terminé. C'est pas terminé. 1, 2, 3, c'est parti. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, quitte l'âme de l'homme. Allez, c'est parti. Elle ne t'appartient pas. L'alliance avec sa famille est brisée aujourd'hui. Elle sort de votre alliance. C'est parti. Toi, sémence du serpent. Je te commande, au nom de Jésus de Nazareth, de quitter cette jeune fille maintenant. Elle ne vous appartient pas à votre conciliable. Je te commande, Au nom de Jésus de Nazareth, de la quitter. Qui est là maintenant? Sors! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Hélène, si tu m'entends, mets la main sur ton ventre. La voix se trouve chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth. La voix se trouve chez toi. La voix se trouve chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour la grâce que tu disposes pour tes enfants ce matin. Merci Père pour tout ce que tu fais pour eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, la sœur Ketia, quelque chose est sur le point de sortir maintenant. Fais attention. 1, 2, 3, ça monte. Sors! Sors! Sors! Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Hélène, la voix est chez toi. Hélène, la voix est chez toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Ketia, ne t'inquiète pas, tu es libre maintenant au nom du Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Père. Tu es libre au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Oui, Hélène. Hélène se trouve où? Je suis là. Mets la main sur ton ventre. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. N'aie pas peur, d'accord? D'accord. Ah, quelle matinée ça. La sœur Loris, bonjour et bienvenue. Bonjour, frère, bonjour. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage, d'accord? Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Donc, la sœur Hélène, ne t'inquiète pas, même si on ne voit pas ton image. C'est cette voix-là, c'est la voix que tu entends qui est importante. C'est celui qui porte cette voix-là, ça se trouve chez toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Ketia, si tu m'entends, repose-toi bien, d'accord? Elle est où la sœur Ketia? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Ketia, ça va? Oui. La sœur Natou, ferme ton micro. La sœur Ketia, parle-moi maintenant. Parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je tremblais beaucoup. Je toussais aussi. Et je sais pas, c'est comme si j'avais du mal à respirer. Maintenant, comment tu vas maintenant? Ça va mieux. Mm-hmm. Je tremble encore un peu, mais ça va mieux. Ne t'inquiète pas, d'accord? Le Seigneur t'aime pas, vrai? Oui. Mm-hmm. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, tu vois? De prendre le serpent comme protection pour la famille, voilà les dangers que ça peut encourir dans des familles. Ça veut dire des parents, des arrière-grands-parents prennent des totems de serpents et voilà, la génération est vendue au serpent. Voilà là où on peut arriver avec les Africains aujourd'hui. Voilà ce qu'ils appellent maintenant que leur Dieu, les dieux des peuples. Avant que le blanc ne vienne avec la Bible, ils connaissaient déjà Dieu. Voilà là où ça arrive. Voilà le niveau où ça arrive. Donc, tu es séparé de ces choses-là maintenant et ça ne t'appartient plus, d'accord? Amen. Mmh, donc, ça ne t'appartient plus, c'est terminé. Où est-ce qu'on va là? La sœur, où est la sœur Yolande là? La sœur Yolande, elle n'est pas rentrée. Elle est venue là? Donc, la sœur que tu as, repose-toi, parce que ça va te fatiguer pendant des jours. Ah, la présence, cette présence. Mais la sœur que tu as à la maison avec qui là? Avec mes sœurs et aussi avec mon père. Mais personne ne t'a vu? Non, je suis dans ma chambre. Ok. Personne ne t'a jamais parlé de l'esprit de serpent dans ta famille? Non, personne. Mais personne ne t'a raconté l'histoire des serpents dans votre famille? Non, jamais. C'est quand même terrible. J'ai jamais su tout ce qu'il y avait là. Vous savez pas. Oui. Mais quand je t'ai raconté, c'est depuis que je suis petite. En fait, depuis que je suis venue en France, que j'ai commencé à faire ces rêves-là. Le rêve du serpent. Voilà, oui. Mmh. Courage, d'accord? Amen. Tu es séparé de ça maintenant. Donc, reste juste calme jusqu'à ce que cette présence qui est sur toi maintenant puisse se calmer. Où est Yolande? Tu peux couper ton micro maintenant, Kétia. Viens aussi, respire maintenant. Tu trembles là-bas maintenant. Le tremblement là, ça va, d'accord? Yolande, m'écoute. Ça va là, toi? Ça va. Mmh. Maintenant, écoute-moi très attentivement. La tête, cette lourdeur qui était sur la tête, tu l'as encore? C'est parti où alors? Ne t'inquiète pas, on va faire un détour par la France dans bientôt, d'accord? Et il veut te rencontrer face à face, d'accord? Assieds-toi dans sa présence. Que Dieu te bénisse. D'accord, ma chère sœur? Mais après, je vais causer avec toi d'un rêve particulièrement. Un rêve particulièrement qui est significatif. Ceci concerne ça c'est l'odeur de la mort. D'accord, ma chère Yolande? Tu m'entends? Ok. De la mort? Oui. Allô, tu m'entends? Oui. Je t'entends pas du tout. Je t'entends pas bien. Tu as entendu ce que j'ai dit? Allô, la sœur Yolande? Oui. Vous autres, vous m'entendez? Projet, tu m'entends? Oui. Ok. Très bien. Ok. Bon, la sœur Yolande, toi, tu m'entends? Je vais parler d'un rêve qui concerne la mort. Ça, c'est l'odeur de la mort dans ces rêves-là. Je veux qu'on en parle, mais après. D'accord? À moi, est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Oui, alors. Après. Après. Ouais. La sœur, oui, merci beaucoup. Je m'en fais du leadership. La sœur Linda, tu m'entends? Oui, je. Ouais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est Hélène? Hélène, c'est pourquoi ce nom se me revient toujours. Hélène se trouve où dans cette ligne? Où est Hélène? Oh mon Dieu. Où est Hélène? La sœur Linda, reste toujours, juste calme en mettant ta main sur ta poitrine. Chez mon frère Landreau du côté de Bordeaux, comment vous allez de ce côté-là? Des nouvelles de ce côté, vous m'entendez? Ouvre le micro et tu nous parles. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, frère. Alors que cette voix-ci est pour parler. Oui. Non, tout à l'heure, moi, j'avais un peu de brûleur au niveau du ventre. Oui. J'avais chaud. Oui. Maintenant, c'est redescendu. C'est redescendu, mais il n'y a rien qui est sorti, voilà. C'est juste redescendu. Oui. Juste redescendu. Que le Seigneur veille sur toi là-bas. Cette voix-là, il dit toute personne, vous tous qui êtes sous l'influence de cette voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qui se trouve à l'intérieur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le frère Landro, tu as mangé quelque chose, tu as consommé quelque chose sur lequel on a parlé des choses en arabe. D'accord? Tu as consommé quelque chose. Donc, ça, c'était le. Vous savez. C'est le, comment vous appelez cela, bon, tu es militaire, vous savez, les puces qu'on met sur quelqu'un pour contrôler la personne à distance. Oui, oui, oui. Oui, donc tu as consommé quelque chose dont on a parlé, les incantations dessus en arabe. Ça, c'est en arabe qu'on a envoyé ça. Maintenant, c'est terminé. C'est terminé. On ne pourra pas te manquer. Amen. Oui. Je crois qu'on en parlera, Dieu voulant. Amen. Voilà. Vous me donnez une seconde, d'accord? Je reviens. Je reviens vers vous dans un instant, d'accord? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. On était à Matthieu chapitre 10. Bonjour. Il fallait prendre Matthieu chapitre 10, Jean chapitre 12. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Frère Guy Richard, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Tu as entendu parler de la mort par noyade? Non. Donc, Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, Jean chapitre, je crois, 12, et ça, je vous ai donné. Le chapitre 14, 15 et 16. On peut travailler ce matin la France dans la sainteté. Amen. Amen. Je ne vois plus la sœur Laetitia, elle est partie où? On a coupé la lumière à Angola. Je suis là, mais ma vidéo ne veut pas se mettre en marche. Ne t'inquiète pas, d'accord? la sœur Paul Gertrude. C'est Paul Gertrude, j'entends. Oui, frère. Ces pensées de prière qui montent sur ton cœur, continue, demeure-y dans ce canal-là qui est venu sur ton cœur pendant qu'on priait là, d'accord? Amen. Mm-hmm. Tu sais ce qui est venu sur ton cœur comme inspiration par rapport à cette prière, c'est que tu as entendu, n'est-ce pas? Amen. Mm-hmm. Quand tu dis Amen, tu comprends bien ce que j'en ai dit. Pendant qu'on prie, pendant que tu entendais cette voix-là, c'est que tu pensais, ce qui est venu dans tes pensées. Tu sais ce qui a été déposé dans tes pensées, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc, c'est écouter. Donc, dis, va dans cette direction-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Demeure-y, c'est pour bientôt. Amen. Où est-ce qu'on va maintenant? Il y a Hélène là. J'ai toujours sa pression sur moi là maintenant. Il y a tout. Où est Hélène? Je ne sais pas où Hélène se trouve. Hélène, la femme de Jean-Michel Cancan, elle est partie où? Elle est où, Hélène? La femme de Jean-Michel Cancan. Bon. La sœur Linda, tu m'entends? Ça va, toi? Comment? Bon, c'est que je sens le regret dans ton ventre là maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Il y a le poison dans ton ventre. Il y a le poison. Tu sais cela? Ah, je t'ai déjà dit cela. Qu'est-ce qu'on fait alors? Mets ta main sur ton ventre alors. Ah mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance des ténèbres, tu entends cette voix. Je t'ordonne de quitter le ventre de cette fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Oh mon Dieu. Sors de son ventre. Tu entends cette voix. Au nom de Jésus de Nazareth, sors. 1, 2, 3, c'est parti. Allez, quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Laurie, si tu m'entends, ta main sur ton ventre également. Je ne te vois pas, ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette chose se dirige vers toi. Ça, c'est ta direction là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Laurie, m'entends? Très bien, je t'entends très bien. Ok. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es où là? Je suis au séjour. Quoi? En lieu de service, toi? Non, je suis à la maison, là. Ah, ben, je suis à la maison. Tu me vois, n'est-ce pas? Ouais. Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors du ventre de cette femme maintenant. Sors du ventre de cette fille. Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Tu n'as pas de puissance pour demeurer dans son ventre. Sors! Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ta puissance que tu avais fait demeurer dans son ventre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte cette jeune fille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Linda, ta main sur ton ventre, au niveau de ta poitrine, exactement au milieu de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Nom de Jésus de Nazareth. Lâche son ventre. Waouh. Waouh. Lâche son ventre, lâche son ventre. Sors de sa poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu entends cette voix, je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth, de sortir d'elle maintenant. Assieds-toi, ma soeur, assieds-toi. Assieds-toi. Ma sœur Linda, courage. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Bienvenue. Bienvenue maintenant. Bienvenue. Allez, c'est parti, c'est parti. Totalement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti. Ne reste pas, je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de sortir. Sors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches son corps, tu quittes son corps. Allez, je ne dois plus rester. Je te commande de sortir. Tout. Allez, lâche-la. Lâche-la. Toutes tes substances, tu sors. Toutes tes substances, tu sors. Elle t'a pris dans l'ignorance. Je te commande de quitter d'elle. Tu ne dois plus manipuler cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton règne cesse dans sa vie aujourd'hui. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors, sors, sors. Tout, tout, tout, sors. Je te commande de sortir toutes tes substances. Rien ne doit rester dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis-moi tout, il y met toute substance. Des poisons ne doivent plus rester dans son corps. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Où est Nafi? Nafi est où? Au nom de Jésus de Nazareth. Sois d'elle, sois d'elle, sois d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La sœur Linda, lève-toi, tu es libre. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Ouh. Merci Seigneur Jésus. Nom de Jésus de Nazareth. La sœur Loris est où là? Je suis là. Ça va bien? Je suis en poste. Très tu bien. Tu es en poste comme le prophète Habakkuk. Avec ses mains imposées, tel que prophétisé sur ta photo, quel que soit ce qui va arriver à partir de maintenant, ne crains point, d'accord? Femme de foi. Amen. La sœur Linda, ça va? Ton micro. Oui, ça va. Tu connais son origine de ces choses, l'origine de ces choses-ci? Qu'est-ce qu'on cherche chez les marabouts au juste? La sœur Loris, si tu m'entends, coupe ton micro le temps parce que ça fait des choses là avec la, notre sœur ici. Cette substance a été est entrée par quelque chose qu'on a pris chez le marabout. Mais c'est pas toi. Vous êtes abonné là-bas ou quoi? Pardon. Vous êtes abonné là-bas? Non, mais vraiment. Oui, je t'entends pas bien, ma soeur. Oh là là. J'ai le Chantal là. Chantal, voilà, vous deux là. Je crois qu'une ligne est coupée. Maintenant, fermez votre micro le temps que je pose avec cette soeur, la soeur Linda là. D'accord. Voilà, coupez tout juste votre micro. Oui, la soeur Linda, parle-moi. J'ai vu que je n'ai jamais mangé quelque chose. J'avais des rêves. Je mangeais et le oh, j'ai du mal à l'écouter là. C'est la soeur Natouche a coupé votre micro. Ça s'active encore à chaque fois. Oh là là. La soeur Linda. Oui. Oui, la sœur Linda, tu m'entends? Oui, je t'entends. Cette rêve de manger la nuit, c'est une conséquence de quelque chose qu'on a mangé. C'est-à-dire que cette présence-là a été là avant cette répétition-ci. Cette rêve de manger a été là seulement pour te prouver qu'il y avait quelque chose dans sa présence. Mais ils sont de regarder une substance qu'on a mélangée pour que quelqu'un lèche. Donc, ça vient de là-bas. Ça fait depuis vraiment des années que j'ai des rêves, mais je n'ouvre personne, pas du parabout, à part peut-être des tantes, les autres. Mais ma maman est mon frère, ça n'existe pas tout. Entendez. Je veux que c'est la ligne. Je crois que quand ça va te stabiliser, bon, il faut qu'on en parle. Parce que ces substances viennent de l'extérieur. Ouais. Je vous écoute très bien. Tu entends très bien, hein? Quoi qu'à l'île de Chypre, tu entends bien? Très bien. Quoi qu'à l'île de Chypre, il y a les vagues des ondes d'eau là. Comment tu te sens maintenant déjà? Je me sens mieux. Courage, d'accord. Cette chose-ci dans ton corps, ça va te faire gonfler. Et puis rendre fatigué. Oui. Comment on va faire avec les Africains avec ces choses-ci? Maintenant, tu es libre, d'accord? Libre. Amen. Tu es libre. Tu vois effectivement que nos familles ont besoin de délivrance. Sœur Linda de Chypre, la sœur de Paul, l'apôtre Paul. Tu as décidé que tu vas faire les pèlerinages là où l'apôtre Paul est passé. Tu allais rester à l'île de Chypre. Tu crois que ces habits qu'on avait envoyés pour chasser les démons restent là-bas. Donc ta famille a besoin de délivrance. Voilà, je crois que c'est clair comme ça. Ta famille a besoin de délivrance. Tu parles, je crois que ce que j'ai parlé là-bas, il faut causer avec tes parents et puis tu vas nous revenir, d'accord? Ces pratiques-ci ne sont pas. Nafi est où? Est-ce qu'on va parler de la parole aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Marche maintenant dans la lumière de ta délivrance. La soeur Paul, encore cette pensée, encore. La soeur Paul m'entend? Oui, frère. Pourquoi ça revient? Ça revient. Je ne sais pas. Ah, où est l'autre là? Ça c'est Hélène maintenant. Quel sacré dimanche. Quel dimanche aujourd'hui. La sœur Paul. Oui, frère. La seule chose qui peut empêcher ceci, c'est l'inquiétude. L'inquiétude, la Bible déclare que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Il faut que l'inquiétude quitte. Frère, je ne m'inquiète plus. Hein. J'ai tout confié à notre Seigneur Jésus. Je sais qu'il agira en son temps. Amen. Donc, c'est la seule chose qui peut créer obstacle maintenant. Nous sommes où maintenant non. Avec. Je suis confiante. Amen, amen, amen. Donc. Où est Esther là? Esther, elle est partie. Laetitia, oui, je crois que. Ça, vous voyez ces choses-ci. Hélène est là. Maintenant, ouvrez le micro. La sœur Paul, ferme ton micro. La sœur Linda, fermez votre micro. Et la sœur... la sœur Hélène et Chantal, si vous m'entendez. Le frère Pierre, ton micro est ouvert. Le frère Pierre, tu voulais parler? Non, non, non. Donc, si tu peux fermer ton micro alors, il faut que je finisse. Juste parce que cette femme, Hélène, se quitte dans mon cœur. Hélène. Hélène, déjà, mes chers, elle est même où, celle-là, je ne la vois pas. Bon. Jean, Matthieu chapitre 10, ouvrons Matthieu chapitre 10. Le couple d'abord, bonjour. La France dans la sainteté, bonjour à vous et bienvenue. Oui. Je crois que le son est bien maintenant parce que beaucoup de personnes leur vidéo a été figée. Le club Ungabo, rebonjour. Bonjour. Toujours en poste. Dans le pays des crevettes, il y a un tribu qu'on appelle les Baganté. Donc c'est pour répondre à ton attaque de tout à l'heure que le garçon est toujours frais. Donc il se pourrait que je fasse partie de ce peuple-là, les Baganté. C'est tout naturel, d'accord mon frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce qu'on peut lire ce matin? Est-ce qu'on peut travailler vraiment maintenant dans la parole? Vous m'entendez? La France dans la sainteté, y a-t-il quelqu'un? Linda, on t'entend très bien. Le frère Junior, juste, je crois qu'il a été sous soi. Vous m'entendez maintenant? 5 sur 5. Oui, c'est bon. 5 sur 5, Junior. Voilà. Frère, je crois que le Saint-Esprit suivre seulement les délivrances aujourd'hui. Dès que tu veux parler de la parole, ça coupe. C'est ça que je suis regardé. Je vois effectivement que c'est on ça. On ne te voit pas, ton image est figée, mais on t'entend. Vous m'entendez, ça va aller. Ah, quelle journée, quelle matinée. C'est une bonne journée, frère. La Bible déclare que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur, ouais. Ceux qui sont appelés à sa personne. Ouais. C'est des délivrances aujourd'hui, frère. Oui. Oui. Une chose me parle. Qui a de parler là? C'est Linda. Oui. Oui, dans ce cas, les frères Gabo et Pierre, fermez vos micros parce qu'à leadership, il y a des vagues qui viennent chaque fois là, ça dérange les micros. Donc, pour qu'elles puissent bien parler. Allez, parle, ma soeur, tu voulais dire? Je disais que je me suis en Mon papa est un professionnaliste, mais j'ai jamais parlé de mon papa. Mais il s'est beaucoup. Moi, j'ai un frère au village. Alors, vous, est-ce que vous, le frère Ngabo, je vous vois directement. Vous entendez là, ce que la soeur dit? Parce que moi, je n'entends pas du tout. Non, on ne l'entend pas. Bon, ça la soeur, si tu nous entends, maintiens le micro près de ta bouche. La soeur, la fille, ferme le micro. La soeur Laetitia également, dès que ferme le micro. La soeur Linda, you have the floor. La fille, ça ferme le micro. Ferme le micro, je reviens vers toi. Je ne m'attrape plus mon ordinateur, là. Je ne sais plus, ça ne s'arrête plus. Ok, bon, ça qu'on va faire. Voilà, maintenant, ça c'est Linda, parle. Vas-y, je crois que ça va aller maintenant. Non. C'est pas bon du tout. Essaye de couper ta caméra pour que ça fasse chuter, pour que la bande passante puisse augmenter. Coupe ta caméra, coupe ta vidéo. Oui, coupe ta vidéo, coupe ta vidéo. J'ai coupé. Ok, vas-y donc maintenant, vas-y. Je disais que je me faisais être radicaliste, mais je me faisais. Bon, la sœur Linda, ce qu'on va faire, c'est qu'essaie d'écrire ça sur le forum et puis peut-être même la sœur Gertrude nous lise là. Essaie d'écrire, d'accord ma sœur? Parce qu'on a du mal à ta voix là maintenant. Dès qu'on va finir, la sœur Gertrude va lire parce que ça... J'ai comme l'impression que la connexion elle n'est pas bonne de ton côté, si tu nous entends. D'accord? La sœur Linda, tu nous entends? Ok, voilà, maintenant, elle a envie d'écrire. Qu'elle va écrire, dès que Laura finit, elle va dire j'ai fini. La sœur, j'ai tout devant une liste là. Que Dieu vous bénisse. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour, frère Junior. Bonjour. Oui. La sœur Loris. Oui, frère. Ça va? Très bien. Comment va, monsieur? Dieu est bon. Il est vraiment bon pour nous. Et je ne comprends pas comment il a de le diriger ce dimanche. Moi-même, je suis étonné de ce que. Il a de faire. Il prend la Bible chaque fois, ça va dans autre sens. Oh. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. You are my reward. Reçois, oh Dieu, l'adoration. La sœur Linda a fini d'écrire. Je veux t'adorer. Voilà, elle a fini. Oui. La sœur Linda marque que je me suis juste rappelé que mon père est traditionnaliste, mais je n'ai jamais vécu avec lui car il ne m'a pas reconnu. Mon frère m'a même dit que il parle aux morts. Ce n'est que de son côté que je puisse voir des marabouts car il m'avait dit vouloir me faire reine. J'ai fini. Amen. Voilà, là on se retrouve dans les traditions africaines. Ils appellent ça leur culture. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Alors, le frère Pierre, tu as l'œil sur de toi ce matin, c'est Ibrahim Bosté là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux prier pour nous? Il me dispose là maintenant, tu pries pour moi, mon frère. Je n'ai pas très bien compris. Il dit que tu es en forme là. Tu es en forme. Il me dit peut-être que tu veux prier pour moi. Prier pour toi, frère? Oui. Pour nous tous. Pour nous tous, oui. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire à tes enfants, Seigneur. Tu sais combien c'est important, Seigneur, de t'appartenir entièrement. Tu connais, Seigneur, la mission que tu as donnée, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, la mission que tu as donnée aux frères Junior. Nous demandons, Seigneur Dieu, Papa, de nous soutenir, Seigneur, afin que nous ne nous décourageons pas. Étends ta main puissante, Seigneur, sur ceux qui ont encore plus besoin de toi, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur, mon Dieu, de rester le regard fixé sur ton Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans la sainteté, dans la victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te confie, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, notre frère, Junior, que tu nous soutiens, Seigneur Papa, dans tout ce qu'il fait, de partout dans le monde. Tu sais combien c'est important. Tu sais combien beaucoup de personnes sont captives, Seigneur. Et Seigneur, si tu as permis, Seigneur, que nous entendons sa voix, Seigneur, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as besoin de faire quelque chose dans notre vie, Seigneur. Alors nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, que tu le fortifies encore davantage, Seigneur. Et que tu nous fortifies également, Seigneur. Que tes anges, Seigneur, mon Dieu, se mobilisent, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qui est en train de passer en ce moment dans le monde, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Tu vois que si on était désigné par comme ça, tu devais cacher toute cette grâce que tu as dans toi, là. Tu devais cacher ça dans ton ventre. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez, je veux aller dans la parole, dans tout ce qu'on a déposé là-bas, mais quelque chose toujours me bloque, je ne sais pas. Je crois qu'on va devoir se dire au revoir ce matin. Vous voyez ça? Le frère Guérichard commence à ouvrir ses yeux comme ça, que c'est tout comme ça, alors qu'on n'a même pas encore commencé. Frère, oui, s'il te plaît, il y a une question depuis au moins deux semaines que j'ai dans le cœur, c'est par rapport aux jeunes, frère. Mm-hmm. Comment jeûner sans que ce ne soit religieux, en fait? Mm-hmm. Comment jeûner quand l'esprit le veut et non comme une baguette magique, dès qu'on est coincé, on prend un jeûne, dès qu'on est coincé, on prend un jeûne. Comment jeûner et que le Seigneur agrée ce genre? On sera obligé de répondre à cela dimanche prochain. Il ne peut pas avancer. Tu vois ça? D'accord. Il ne peut pas. La France dans la sainteté, bonjour et bon dimanche. Merci, frère. Bon dimanche. Que la grâce donc, merci, bon dimanche. Que la grâce et la paix de Seigneur vous soit. Que le Seigneur se révèle encore à nous et qu'il nous couvre de sa grâce et de sa bonté. Je vous recommande donc entre ses mains et qu'il veille sur vous, sur votre maison. Maintenant, pendant que frère Pierre est en train de prier là, j'entendais ceci, qu'il y a des femmes, des couples en France qui ont besoin d'être restructurés. Donc pour la France, Dieu est en train d'accorder une grâce pour les réconciliations. Plusieurs mariages sont brisés là-bas par le diable. Donc, si vous avez les gens qui sont en train d'entamer les divorces, qui sont dans les divorces, dans ces choses-ci, dites-leur que Jésus-Christ, notre Seigneur, a la solution pour eux. Donc, à la France est octroyée, ces moments-ci. À la France. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, dites-leur, vous avez connaissé des gens qui ont été dans ce processus-ci, ne savant plus comment faire, le Seigneur Jésus-Christ s'est tourné vers eux. D'accord, bien-aimé? Et s'ils refusent? Amen. S'ils refusent? Je parle de la France ici. Votre nom, c'est seulement d'aller leur dire que voici, c'est ainsi dit le Seigneur. Point final. Le reste, c'est entre le Seigneur et lui-même. Amen. Okay. Amen. Amen. Donc, c'est pour la France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu bénisse ta famille. Toute la famille. Oh. Amen. Amen. Amen. Que Dieu est sur vous. Amen, amen. Seigneur, tu es grand. Tu es tout puissant. Tous les anges de Dieu sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, reconnaître ta splendeur. Parce que tu es tous les matins, hein. Donc de quel genre de t'attendre chaque jour. Okay. Je prie. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable. Se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, mais tu sont pareils, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri, dégagé, tu es tout puissant, tu es. La grandeur de Dieu, les moments pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu te révélais à moi en me guérissant. Si tu es mes desseins. Se comparer à toi et mon moment pour décrire la grandeur de Dieu. Et mon moment pour décrire la grandeur de Dieu.